faction n'excelle pas, on est serraille. Mon destin se tire en jetpack, même sur les ferrailles. Et ouais, ça compte double dans le sud-ouest. Les brailleurs sont très soudés. Demande à Free One Two, même les mots font l'amour après querelle. Mon frère et moi on bouge, mais y'a pas que la fin du mois qui reste. Ce qu'il me reste, c'est ce en quoi je crois. Un superbe cahier plein de ratures et tout ce qui ne m'encourage pas. Ouais, j'poulais, voilà les papiers de la caisse. SENDO, jamais en règle, pas loin d'être bourré. J'ai le nom de ma ville sur la peau et sous de la moitié de ma vie. Juste histoire de revoir stop, mais les falaises. Tout va vite, aujourd'hui j'préfère aimer. Retrouver le sourire et demander un mariage comme mon frère aîné. Que le rap paye, moi y'a que ça qui me va. Demande à Piu, Plom, Plom, Jack, Beg ou Zinga. On est tous des fils de bastards. Des chiens de la casse avec 10 coups d'avance comme Kasparov. Tu crois qu'on ne vaut pas le glaive de chaque Spar? B-A-R-B-A-S, non, ce n'est pas du Jack Sparrow. Le bateau va de l'arme chaude dans Jérémiade. Mais un jour on créera le choc et c'est ça que vous digérez mal. C'est pour BR, Marco, menace et raid. J'ai écrit ça le temps d'un joint. Imagine combien j'en ai crié. Qu'est-ce que tu croyais, qu'est-ce t'as bu? Qu'est-ce t'as cru? Nous passer le collier nous empêcherait d'avoyer. Braquage, un rappel avec gros calibre. C'est un autre rappel, c'est ce qu'il te doit pendant que ça gros calibre. Qu'est-ce que tu croyais, qu'est-ce t'as bu, qu'est-ce t'as cru? Nous passer le collier nous empêcherait d'avoyer. Braquage, un rappel avec gros calibre. Frax, tu rappelles, c'est ce qu'il te doit pendant que ça gros calibre. Quand ils nous fermaient la porte, et on les serrait pas de part, hein. Tu nous crois les ordonnées, si tu seul montes comme mes potes parlent. Là on m'accabre pour payer le loyer, l'avocat. Saucissonnage dans la cape, ferraillé, deal et de la loca. Besoin de lever car les poches sont larges. Coupe-moi le chômage et je volerai comme les poissons nagent. Ouais mon petit, tu croyais quoi? D'ailleurs chacun d'entre nous se cache un bandit. Avec l'outil adéquat, funeste mais faillant. Comme la myopness, ne me laisse pas croire qu'un seul homme peut tenir 20 millions de laisses. Insolent, vas-y recule, j'ai le dit Paul Jerican. Contre un président cocu et son beau rêve américain. En dédicace, pour ceux qui savent être délicat. Quand faut rentrer dans la caisse, cri crac, l'audit était cap. Si je lâchais pas mes nerfs ici, je serais dans la vague. Roule en berger. L'huissier, le gaz, c'est les chicots dans la barbe. Mais si tu croyais que t'avais la solution pour chacal, sale résolution, transforme le soir les hommes en chacal. Alors nos fils tournent en rond et trafiquent du métaux. Une soirée c'est 1500 euros, mais tu m'étonnes. Mais c'est en bas de la race de ton smic bâtard. Ça nourrit pas des rêves de gosse, mais les envies de braquage et bâtard. Tu sens le pouvoir quand tu nous appelles mon garçon. Mais crois-tu vraiment savoir ce que cache nos regards sombres? Qu'est-ce que tu croyais, qu'est-ce t'as bu, qu'est-ce t'as cru? Nous passer le collier nous empêcherait d'aboyer. Braquage, un rappel avec gros calibre. C'est un autre rappel, c'est ce qu'il te doit pendant que ça gros calibre. Qu'est-ce que tu croyais, qu'est-ce t'as bu, qu'est-ce t'as cru? Nous passer le collier nous empêcherait d'aboyer. Braquage, un rappel avec gros calibre. Frax, le rappel, c'est ce qu'il te doit pendant que ça gros calibre. Qu'est-ce que tu croyais, qu'est-ce t'as bu, qu'est-ce t'as cru? Nous passer le collier nous empêcherait d'aboyer. Braquage, un rappel avec gros calibre. Frax, le rappel, de droit pendant que ça gros calibre. Qu'est-ce que tu croyais, qu'est-ce t'as bu, qu'est-ce t'as cru? Nous passer le collier nous empêcherait d'aboyer. Braquage, un rappel avec gros calibre. C'est un autre rappel, c'est ce qu'il te doit pendant que ça gros calibre.